Chapitre 14, dans lequel les Noirs prouvent au général Richepense que toutes les réceptions ne se ressemblent pas. Pendant toute la matinée, les vaisseaux français continuèrent à louvoyer bord sur bord sans parvenir à s'élever beaucoup au vent. Pourtant, vers midi, la brise fraîchit et en même temps, elle devint largue. Les navires, qui avaient un peu dépassé la basse terre, laissèrent arriver, mirent le cap sur la côte, et bientôt toute la petite escadre française se trouva à la longue portée de canon de la ville. Le général Richepense était en mer depuis le 17 Floréal. Il ignorait complètement les événements terribles accomplis à la basse terre pendant ces 3 jours. Aucun des députés que l'agence municipale lui avait adressés n'avait pu naturellement parvenir jusqu'à lui. De sorte qu'il croyait que tout était dans l'état habituel et que le calme n'avait pas été troublé dans la ville. Dans cette conviction, le général allait donner l'ordre du débarquement lorsque tout à coup, sans provocation aucune, l'escadre reçut une décharge de toutes les batteries de la côte, depuis la pointe du Vieux-Port jusqu'à la batterie des Capucins. À cette rude réception, à laquelle il était si loin de s'attendre, le général Richepense comprit, mais trop tard, à quels hommes il avait affaire, et tous les malheurs qui allaient fondre sur la colonie, comme une suite infaillible de ce qui s'était passé à la pointe à Pitre. Il regretta vivement les préventions qui d'abord avaient dirigé sa conduite, et combien était injuste la méfiance que les perfides envoyés de la Dominique lui avaient inspirée contre certains hommes qui, eux, l'avaient au contraire loyalement averti de l'état dans lequel se trouvaient les choses à la Guadeloupe. Les premiers coups de canon avaient été tirés par les Noirs. Ils commençaient résolument la guerre civile. Le général Richepense ne pouvait se décider à en venir, lui, à la guerre ouverte, contre des hommes qu'il considérait comme égarés, et pour lesquels il éprouvait une immense pitié dans son cœur. Avant de se résoudre à repousser la force par la force, il voulut tenter encore la conciliation et épuiser tous les moyens pour empêcher l'effusion du sang. Il fit donc écrire par le général Magloire Pélage, embarqué sur le vaisseau Le Fougueux, au chef des révoltés, une lettre dans laquelle il faisait un dernier appel à l'honneur de Delgrès, lui promettant un pardon entier et un oubli sincère pour ce qui venait de se passer s'il mettait immédiatement bas les armes, tout en l'avertissant que s'il s'obstinait dans sa rébellion, le général en chef serait implacable et lui infligerait un châtiment terrible. Cette lettre fut portée à terre par 2 officiers, le capitaine de Châtenois, aide-de-camp du général Pélage, et un aspirant de marine nommé Lozac, attaché particulièrement à la personne du général en chef. Les 2 officiers se dirigèrent résolument vers le fort Saint-Charles. Y arrivés à portée de voix, ils demandèrent à parler au commandant Delgrès. La réponse à cette demande se fit attendre assez longtemps. Enfin, un officier et quelques soldats sortirent par une poterne et s'avancèrent vers les parlementaires. Le capitaine de Châtenois se borna à réitérer sa demande, sans entrer dans aucun détail sur la mission dont il s'était chargé. Alors, on les introduisit dans la forteresse avec toutes les précautions usitées en temps de guerre, et on les conduisit dans une salle assez vaste, où ils trouvèrent Delgrès au milieu de plusieurs de ses principaux officiers. « Que venez-vous chercher ici ? » demanda-t-il d'une voix brusque aux parlementaires. Et sans attendre leur réponse, il s'avança vers eux, et croisant les bras sur sa poitrine, il ajouta en les examinant pendant quelques secondes d'un air sombre. « M'avez-vous entendu ? Faudra-t-il que je vous répète ma question ? Parlez, mais parlez donc !» Les 2 officiers comprirent que cet homme jouait un rôle, sans pouvoir cependant soupçonner quel était le but qu'il se proposait en agissant ainsi. Mais, comme ils étaient résolus à accomplir leur mission jusqu'au bout, quelles qu'en dussent être pour eux les conséquences, ils ne furent nullement intimidés par ces façons presque brutales. « Commandant, répondit froidement le capitaine de Châtenois, cet officier et moi, nous sommes chargés de vous remettre la lettre que voici, et qui vous est écrite par le général Magloire Pélage. Elle vous instruira des dispositions conciliantes et pacifiques du commandant en chef à votre égard, et des principes de modération de l'armée. Delgrès, aveuglé par la colère, ou peut-être voulant fermer à ses officiers toute voie de salut autre que celle dans laquelle il s'était engagé avec lui, n'avait pas daigné écouter ce que lui avait dit le capitaine. Il lui arracha la lettre des mains, la déchira sans même l'ouvrir, et lui en jeta les morceaux au visage. « Ton maître trahit notre cause, » s'écria-t-il avec fureur. « Si nous le tenions entre nos mains, nous le traiterions comme il le mérite. Mais toi et ton compagnon, vous paierez pour lui. » « Prenez garde à ce que vous allez faire. Nous sommes des parlementaires, » répondit le capitaine avec calme. Le mulâtre sourit avec dédain. Il haussa les épaules et s'adressant à quelques-uns de ses officiers. « Désarmez ces traîtres et assurez-vous de leur personne, » dit-il d'une voix rude. Cet ordre fut immédiatement exécuté. Les deux officiers, victimes de ce guet-apens et de ce mépris insolent des lois de la guerre, dédaignèrent d'essayer la plus légère résistance. Il eut alors quelques minutes d'anxiété terrible. Delgrès marchait avec agitation de long en large, sombre, muet, mais profondément préoccupé. On voyait se refléter, tour à tour sur ses traits contractés, les mauvaises passions qui agitaient son âme. Que ferait-il de ces deux hommes qu'il retenait prisonniers au mépris du droit des gens? Les mettrait-il à mort? Les rendrait-il à la liberté? Il hésitait. Les Noirs tremblaient. Seuls de tous les hommes réunis dans cette vaste salle, les deux officiers français, dont cependant la situation était si critique, demeuraient calmes, le sourire sur les lèvres. Tout à coup, Delgrès arrêta sa promenade et s'approchant du capitaine de Châtenois. « Où est Pélage ? » lui demanda-t-il d'une voix étouffée. « Si vous vous étiez donné la peine de lire la lettre que je vous ai remise, » lui répondit froidement et nettement le capitaine, « vous auriez vu qu'il était à bord de l'un des vaisseaux de l'escadre, très considéré du général en chef et de tous les officiers de l'armée. « Tu m'en imposes, » s'écria brutalement Delgrès. « Je suis instruit qu'on l'a arrêté à la pointe à pitre et qu'il est maintenant au fer. « Vous vous trompez, citoyen, » reprit le capitaine. « Le général Pélage est, je vous le répète, à bord du vaisseau Le Fougueux. « C'est lui qui nous envoie vers vous, avec le consentement du général en chef. « Cela est-il vrai ? » fit Delgrès en regardant fixement, comme pour lire sa pensée au fond de son cœur. « Je vous répète, citoyen, qu'on vous a trompé, que le général Pélage est libre, que non seulement sa liberté n'a jamais été menacée, mais encore qu'il a conservé son commandement, et qu'il se trouve au milieu de nous. Je vous donne ma parole d'honneur que tout ce que je vous annonce est de la plus rigoureuse exactitude. Je joins ma parole à celle du capitaine de Châtenois, ajouta l'aspirant de marine, le citoyen Lozac. Soit, dit alors Delgrès, dont à cette déclaration si nette et si franche, la mauvaise humeur n'avait fait qu'augmenter. Si Pélage est libre, ainsi que vous le prétendez, c'est évidemment à cause de sa trahison envers nous. Voilà pourquoi il n'a point essayé les traitements odieux qu'on a fait subir à nos frères d'armes de la pointe à pitre. On les a désarmés, déshabillés, battus et mis au fer à bord des frégates, où ils se trouvent encore prisonniers. Devait-il s'attendre à ces outrages, reprit-il avec animation, après avoir accueilli le Français avec tant de cris d'allégresse? Il faut que Pélage soit bien lâche pour s'être prêté à toutes ces scènes d'horreur. Les faits que vous nous citez sont faux, citoyen, répondit le capitaine. Rien de tel ne s'est passé. Aucun officier, aucun soldat n'ont été traités de la façon odieuse que vous avez dite. » À ces paroles, Ignace, Palem, Cadou et les autres chefs de la révolte l'interrompirent brusquement en lui soutenant qu'il mentait. Qu'ils étaient d'autant plus certains de ce qui s'était passé à la pointe à pitre. Qu'ils avaient été contraints eux-mêmes de fuir pour éviter le sort de leur malheureux compagnon d'armes. D'ailleurs, ajouta Ignace avec colère, « rien de tout cela ne saurait nous surprendre. Nous devions nous attendre à être traités plus cruellement encore. La présence à la tête de l'expédition de l'ennemi le plus acharné des hommes, de couleur, suffit pour nous expliquer clairement la conduite injuste du général en chef. « De qui voulez-vous parler, citoyen ? Je ne vous comprends pas, » répondit le capitaine. « Je veux parler de Lacrosse, ce brigand pillard, l'assassin de nos frères, » s'écria Ignace. « Oui, oui, Lacrosse est un monstre, un assassin. » répétèrent tous les officiers. Vous vous trompez encore cette fois, Lacrosse n'est pas à la tête de l'expédition. Nous n'avons eu aucun rapport avec lui, répondit le capitaine, dont le calme ne se démentit pas un seul instant pendant cette entrevue orageuse. L'ex-capitaine général ne se trouve pas sur l'escadre. En un mot, il n'a pas quitté la Dominique. C'est faux, c'est faux !» s'écrièrent les révoltés avec des cris de rage. « Nous savons le contraire !» Ce fut en vain que les deux officiers essayèrent de les détromper. Ils n'y purent réussir. Ces hommes résolus non seulement à ne pas se laisser convaincre, mais encore à persévérer dans la ligne de conduite dans laquelle ils s'étaient engagés, ne voulurent rien entendre. Delgrès mit brusquement fin à l'entrevue. « Vous êtes des traîtres et des imposteurs, vous serez traités comme tels » aux deux officiers. « Vous avez la force en main, » répondit froidement la capitaine. « Vous violez en nos personnes les lois sacrées de la guerre. Faites ce qu'il vous plaira. Notre sang, si vous osez le verser, retombera sur vos têtes coupables. » « Emparez-vous de ces traîtres, » s'écria Delgrès avec colère, « qu'on les jette au cachot et qu'ils soient enfermés séparément. » Une dizaine d'hommes se ruèrent sur les parlementaires et les entraînèrent hors de la salle. « Je vous plains, » dit le capitaine avec un accent de pitié, qui, malgré lui, fit tressaillir Delgrès et amena un nuage sur son front. Le chef des révoltés était intérieurement honteux de s'être laissé emporter à donner cet ordre que maintenant il n'osait plus rétracter. Les deux officiers se laissèrent emmener sans essayer une résistance inutile. Quatre des matelots de la chaloupe, qui les avaient amenés, subirent le sort des parlementaires. Les autres, plus heureux, réussirent à s'échapper et regagnèrent leur bord. Cependant le général Richepanse, après avoir attendu deux longues heures, ne voyant pas revenir les deux officiers, comprit qu'ils avaient été retenus prisonniers par les Noirs du Fort Saint-Charles. Alors, sans plus tarder, il donna l'ordre du débarquement des troupes. Le point choisi fut la rivière Duplessis. Cette rivière prend sa source au-delà de la montagne Bel-Air, s'augmente pendant son cours de plusieurs ruisseaux et par une pente rapide se rend à la mer. Elle coule entre deux hautes falaises à travers beaucoup de pierres et de rochers qui en rendent le gué assez difficile, quoiqu'elle n'ait pas plus de 12 mètres dans sa plus grande largeur. La plage, depuis la rivière des Pères jusqu'à la rivière Duplessis, est très unie, située sous le vent de la ville. La mer y est presque toujours calme. Aussi, dans toutes les attaques tentées contre la basse terre, l'ennemi a-t-il constamment choisi ce point pour opérer un débarquement. Le général en chef ne pouvait pas hésiter à le prendre. Le capitaine de frégate Lacaille s'avança, assez près de la terre pour s'embosser et battre avantageusement la batterie des Noirs, tandis que la chaloupe canonnière Le Marengo, sous les ordres du commandant Maté, était chargée de protéger le débarquement en venant s'embosser à l'embouchure de la rivière Duplessis. Alors, les troupes commandées par les généraux Gobert et Magloire Pélage descendirent dans les embarcations. Les bâtiments commencèrent le bombardement et les troupes s'avancèrent sous une grêle de balles et de boulets. Littéralement couverts de feu par les batteries et la mousqueterie des Noirs, accourus des forts et de la ville, les soldats parvinrent, en subissant des pertes cruelles, à atteindre le rivage et à prendre pied sur la rivière Duplessis. Aussitôt à terre, après avoir à peine pris le temps de former leur rang, les troupes républicaines s'élancèrent au pas de course et se ruèrent sur les Noirs. Ceux-ci, non moins déterminés, leur disputèrent bravement le terrain. Le combat fut acharné, mais l'élan était donné. Les troupes, avec une vigueur irrésistible, traversèrent à gué et, tout en combattant, la rivière Duplessis, se prirent corps à corps avec les Noirs, et presque pas à pas, tant la résistance était terrible, ils réussirent à se rendre maîtres du rivage, à s'y établir solidement et à refouler les rebelles jusque derrière la rivière des Pères. La rage avec laquelle les Noirs luttaient contre les troupes françaises était incroyable. Ils combattaient avec un acharnement sans égal, se faisaient tuer avec une audace réellement terrifiante, et ne cédaient le terrain que pied à pied, lorsqu'ils perdaient l'espoir de s'y maintenir plus longtemps. Ce combat, glorieux pour les deux parties, et qui apprit aux Français quels rudes ennemis ils avaient devant eux, coûta beaucoup de sang. Les pertes furent graves des deux côtés. Le succès fut en grande partie dû à la résolution et au courage héroïque du général Pélage. Il électrisait les soldats et les entraînait à sa suite, à travers tous les obstacles. Les troupes campèrent sur le champ de bataille si chèrement conquis. Les Noirs battus, étonnés de l'ardeur avec laquelle les troupes avaient gravi les mornes, s'étaient retirés dans une position formidable, défendus par des lignes flanquées de redoutes garni d'artillerie et farci de combattants, devant ces lignes s'étendait la rivière des Pères, sur l'autre rive de laquelle les Français s'étaient établis. La rivière des Pères est formée par la réunion de la rivière Saint-Claude et de la rivière Noire. Son lit est assez large et tout rempli de grosses roches. Cependant, elle est guéable en plusieurs endroits. Presque au confluent des deux rivières, elle est traversée par un pont de pierre construit en 1788. Les lignes des révoltés s'étendaient à droite et à gauche devant ce pont. Au point du jour, le général Richepanse prit le commandement en personne. Et à la tête des grenadiers de l'armée, il traversa résolument le pont et marcha au pas de charge contre les retranchements. L'assaut fut donné. Malgré une résistance désespérée, les Noirs furent contraints d'éteindre leur feu et d'abandonner leur ligne. Elles furent forcées de front, tandis que le général Gobert, à la tête de deux bataillons de la 66e demi-brigade, passa à gué la rivière 200 pas plus bas, presque à son embouchure, tourna les lignes, emporta d'assaut, après un combat acharné, la batterie des Irois, et entra rapidement dans la ville de la Basse-Terre, qu'il occupa jusqu'à la rivière aux Herbes. La position si formidable défendue par les Noirs avait été occupée en 10 minutes par le général Richepanse. Une partie des fuyards se jeta pêle-mêle dans le fort Saint-Charles. Les autres gagnèrent les Mornes sur la gauche de l'armée. Le général Richepanse les poursuivit l'épée dans les reins. Sur le fort, vers le Gaillon et le pont de Nozières, pont en bois que l'on est parvenu à jeter entre deux montagnes très rapprochées sur la rivière Noire. Du milieu de ce pont, on domine un gouffre d'une profondeur effrayante. Le torrent de la rivière Noire a rongé les deux montagnes taillées à pic et roule avec un fracas horrible ses eaux à travers un chaos de roches monstrueuses. Cette position, d'une importance énorme pour la sûreté de la basse terre, et qui l'a fait communiquer avec le quartier du Parc et le Matouba, était pour le général Richepanse un point stratégique de la plus grande valeur. Il fit établir une tête de pont et laissa un nombre d'étachements pour défendre le passage. L'arrivée si prompte du général Gobert dans la ville fut un véritable bonheur pour les habitants. Il était grand temps que les troupes françaises entrassent dans la basse terre. Les habitants étaient littéralement aux abois. Les blancs et les propriétaires de couleur restés fidèles aux Français étaient menacés de pillage et de massacre par ces noirs rebelles. Pendant que les Français livraient aux révoltés les divers combats rapportés plus haut, les habitants avaient dû se barricader dans leurs maisons pour s'y défendre du mieux qu'ils le pourraient en attendant leur libérateur. Les services rendus pendant ces malheureux événements par M. Bernier, commissaire du gouvernement, et les membres de la municipalité sont au-dessus de tout éloge. 100 fois, ils risquèrent courageusement d'être mis en pièces par les nègres, ivres et rendus furieux, pour empêcher des malheureux, surpris par ces misérables, d'être massacrés. Lorsque le général Richepanse entra à la basse terre, il se rendit directement au siège des séances de la commission municipale, afin de témoigner à chacun de ses membres la satisfaction que lui faisait éprouver la courageuse initiative qu'il avait prise à l'heure du danger et la conduite généreuse qu'il n'avait cessé de tenir. En effet, c'était à leur énergie seule que la ville devait d'avoir échappé au pillage dont les Noirs la menaçaient. Le général exigea que ces braves citoyens continuassent à veiller sur les intérêts de leur cité et, séance tenante, il les confirma dans leurs fonctions. Ils ne pouvaient faire un plus bel éloge de leur patriotisme. Dès que le calme, ou du moins la sécurité, eut été tant bien que mal rétabli à la basse terre, Richepanse, ne voulant pas laisser aux Noirs le temps de se relever de leur rude défaite qu'il leur avait infligée, prit immédiatement toutes les mesures nécessaires afin de resserrer les révoltés dans le fort Saint-Charles. Il ne fallait pas songer à entamer des négociations avec les rebelles. Ils avaient péremptoirement déclaré que tous les parlementaires qu'on leur adresserait seraient considérés comme espions et pendus, sans autre forme de procès. On tenta d'enlever la forteresse par un coup de main. Les insurgés étaient sur leur garde. Toute surprise fut reconnue impossible. Les Noirs firent plusieurs sorties vigoureuses, repoussées à la vérité, mais naturellement elles amenèrent une suite de combats acharnés et d'escarmouches qui causèrent des pertes sérieuses. Le général en chef, dans une de ces escarmouches, eut même un cheval tué sous lui, à la tête des colonnes qu'il conduisait bravement à l'assaut. La situation se compliquait. On était contraint à faire en règle le siège de la place. Disons en deux mots que c'était que le fort Saint-Charles, fort qui aujourd'hui, entre parenthèses, se nomme le fort Richepanse, et dans l'intérieur duquel ce brave général est inhumé. En 1647, le gouverneur propriétaire Houël, pour se garantir des surprises des sauvages, construisit une maison carrée appelée donjon, dont il fit en 1649 une étoile à huit pointes, en élevant devant chaque face des angles saillants, qui furent les commencements du fort Saint-Charles. En 1674, ce donjon fut enveloppé d'un fossé et d'un parapet, avec des angles saillants et rentrants, qu'on prolongea jusqu'à une hauteur éloignée de 200 pas, où l'on établit un cavalier avec 8 embrasures. La face regardant la ville avait 33 mètres, et celle du côté du donjon seulement 18. En 1702, le père Labatte y ajouta une demi-lune et quelques petits ouvrages. En 1703, au moment où on se vit forcé d'abandonner le fort aux Anglais, on fit sauter le donjon. Au lieu d'abattre ce fort pour en construire un nouveau, sur un meilleur plan et sur un emplacement plus convenable, on préféra en 1766 ajouter aux anciennes fortifications deux bastions du côté de la mer, avec un chemin couvert tout autour du glacis, des traverses contre les enfilades de la marine, deux places d'armes rentrantes avec un réduit à chacune et derrière des tenailles, des caponnières et des poternes de communication avec le corps de la place, deux redoutes, l'une sur la prolongation de la capitale de Rune, des deux places d'armes, et l'autre à l'extrémité du retranchement que l'on construisit et le long de la rivière des Galions, défendu par un second retranchement établi sur le bord opposé de la rivière, des fossés larges et profonds, une citerne, un magasin à poudre, des casernes et des casemates susceptibles de mettre à couvert un tiers de la garnison. Tel est, ou du moins tel était à cette époque, cette forteresse qui s'élève sur la partie gauche de la ville qu'elle est chargée de défendre, et dont le général en chef devait avant tout s'emparer. L'entreprise, sans être d'une impossibilité notoire, était cependant ardue et hérissée de difficultés, surtout pour une armée manquant de pièces de siège. Le seul avantage réel que possédaient les assiégeants était dans la situation du fort. Bien que muni de défenses redoutables, il avait la tête très faible, puisque tous les environs le dominent et peuvent être solidement occupés. D'ailleurs, le général Richepanse n'était pas homme à reculer devant des difficultés plus grandes encore que celles que présentait cette opération, surtout en face de Noirs révoltés qu'il s'agissait de réduire à l'obéissance. Il résolut donc de commencer sérieusement le siège du fort Saint-Charles. Mais avant que d'entamer les opérations, il voulut prendre toutes les précautions qui dépendaient de lui, afin d'éviter non pas un insuccès, Richepanse n'avait pas le moindre doute à cet égard, mais une attente trop longue, qui par une apparente immobilité amoindrirait le prestige de l'armée française et augmenterait ainsi l'audace des Noirs répandus dans l'intérieur de l'île. Le général en chef envoya l'ordre au général Cérisiat, resté, ainsi que nous l'avons dit, à la Grande Terre, de rassembler ce qu'il pourrait de troupes dans cette partie de l'île, où il ne laisserait que ce qui serait strictement nécessaire pour maintenir la tranquillité dans le pays, de traverser la rivière Salée et de venir en toute hâte avec les soldats dont il disposerait se joindre au bataillon de la 15e demi-brigade, qui précédemment était venu par terre du Petit Bourg aux Trois-Rivières, puis de faire sa jonction avec l'armée par le Palmiste et le Valcanard. Jusqu'à ce que ces ordres fussent exécutés, on ne pouvait rien entreprendre de sérieux contre le fort Saint-Charles. Le général Cérisiat, dont le nom s'est déjà présenté plusieurs fois sous notre plume, avait été nommé par le gouvernement français pour remplacer le général Bettencourt. Embarqué sur la corvette La Diligente, ce bâtiment sur le point d'atterrir à la basse terre avait été rejoint par des croiseurs anglais. Ceux-ci trompèrent le général sur les événements politiques accomplis dans l'île et l'engagèrent à se détourner de sa route et à se rendre à la Dominique. Là, tout fut mis en œuvre. Toutes les insinuations mensongères furent employées par l'ex-capitaine général Lacrosse pour surprendre la religion du général Cérisiat et l'attirer à son parti. Ces manœuvres échouèrent devant la résolution arrêtée par le général de ne plus demeurer sur une terre naguère encore notre ennemi, et d'un moment à l'autre pouvant le redevenir. De plus, désireux de se mettre bien au fait des événements, et surtout, ne voulant pas tromper la confiance que le gouvernement français avait mise en lui, le général se sépara assez froidement de la crosse et se retira à Marie-Galante pour y attendre une occasion propice de passer à la Guadeloupe. Cette occasion, l'arrivée de l'expédition française, commandée par le général Christepens, la lui offrit enfin. Le 17 Floréal, il débarqua à la Pointe-à-Pitre et se présenta au général en chef. Celui-ci, le connaissant de longue date, savait ce dont il était capable et lui confia aussitôt un commandement important. Le général Cérisiat était un officier d'une grande énergie, d'une audace remarquable. Il devait être pour Richepens, et il fut en effet un auxiliaire précieux pendant le siège du Fort Saint-Charles. Aussitôt que l'ordre du commandant en chef lui avait été remis par le chasseur de rats, qui servait d'éclaireur à l'armée et avait précédemment guidé les 600 hommes de la 15e demi-brigade, il s'était mis en marche après avoir, autant que possible, placé la Grande Terre à l'abri d'un coup de main de la part des révoltés. Le général Pélage fut averti par le général Gobert de la marche de cette division, afin qu'il lui portât secours au besoin, s'il le pouvait, sans compromettre les troupes dont il disposait. Le général Cérisiat, parfaitement éclairé par son guide, qu'il avait pris pour batteur d'estrade, s'avançait rapidement. Il rencontra aux Trois-Rivières le 3e bataillon de la 15e demi-brigade. Avec ce renfort, il culbuta au pas de course tous les partis insurgés qui gardaient les défilés et essayèrent vainement de lui barrer le passage. Le 25 Floréal à midi, il couronna les hauteurs du Palmiste, d'où il marcha presque aussitôt sur la maison Houël, où les Noirs s'étaient solidement retranchés avec deux pièces de 18. Il se précipita dessus à la baïonnette et les fit résolument attaquer au corps à corps. La mêlée fut terrible. Mais les Noirs, surpris par la charge audacieuse des Français, et dont le plus grand nombre avait succombé, s'enfuirent avec épouvante en jetant leurs armes, abandonnant leurs canons, et coururent se réfugier à l'habitation Le Graël. Le général, sans les laisser respirer, les délogea de cette position, en fit un carnage horrible et vint s'établir un peu au-dessus de la basse terre, où il occupa les habitations Le Graël, Desillettes, du Château et du Charnois. Ce fut ainsi que s'opéra la jonction du général Cérisiat avec la division Gobert. Par l'arrivée du général Cérisiat, qui avec le bataillon expéditionnaire et celui de la 15e demi-brigade gardait toute la ligne entre la rivière des Pères et celle des Galions, Richepens se trouva en mesure de commencer les opérations contre le Fort Saint-Charles, opérations qu'il voulait mener avec la plus grande rapidité possible. Pendant que le général Gobert, avec les deux bataillons de la 66e demi-brigade, se chargeait de repousser les sorties qui devenaient de plus en plus rares, le commandant en chef donna l'ordre à l'amiral de faire mettre à terre la grosse artillerie des vaisseaux. Cette opération, très difficile, s'exécuta assez promptement et dans de bonnes conditions, de sorte que bientôt tout cet équipage de sièges improvisés se trouva à terre. Mais alors surgirent d'innombrables difficultés pour mettre en mouvement ces énormes engins. On n'avait ni chevaux ni bœufs. Enfin, les moyens de transport manquaient complètement. Il fallut donc traîner à force de bras dans des montagnes très escarpées et passer de l'autre côté de mornes presque infranchissables des pièces d'un poids immense, avec des fatigues inconcevables. Les soldats ne se rebutèrent pas. Ils accomplirent des miracles, et à force de travail, de patience et surtout de courage, ils réussirent à amener devant la place 30 pièces d'artillerie de très fort calibre et tout le parc nécessaire. Pour suppléer aux bras qui manquaient, on fit aider dans toutes les corvées les soldats par les matelots des vaisseaux et des frégates, organisés en compagnie d'ouvriers. Débarquer les munitions et les canons, transporter les unes, porter et placer les autres, creuser la tranchée et la défendre en même temps, car il avait été impossible de se procurer des pionniers, tels furent les travaux de tous les jours et de toutes les nuits des soldats et des matelots. Jamais, jusqu'alors, armée détachée pour une expédition lointaine n'avait essuyé autant de fatigue. Plus tard, nos soldats, pendant les grandes guerres du Premier Empire et les quatre expéditions de Crimée, du Mexique, de Chine et du Japon, faites pendant le Second Empire, devaient en voir bien d'autres. Mais peut-être aucune armée n'a supporté les fatigues et les souffrances à aucune époque avec autant de courage, d'abnégation et de dévouement que les troupes républicaines du général Richepense. Malheureusement, bientôt l'excès de ces fatigues, joint aux excessives chaleurs, engendra des maladies qui causèrent de grands ravages. Ce fut alors que, sur les instances réitérées du général Pélage, qui en cette circonstance rendit un immense service à l'armée, le commandant en chef se décida à lui laisser choisir, parmi les Noirs prisonniers sur la flotte, 600 hommes sur lesquels il pouvait hardiment compter. Ces 600 hommes furent incorporés dans les bataillons français et, fiers de la confiance que leur témoignait le général, ils rivalisèrent avec leurs nouveaux camarades de courage et de fidélité. Cette mesure fut très utile et épargna beaucoup de sang aux soldats. Ce fait pourrait paraître extraordinaire et dit assez ce qu'étaient les hommes que Delgrès avait rêvé de rendre à la liberté, mais il est parfaitement exact. La liberté, hélas, ne suffit pas. Il faut encore donner à la créature humaine le sentiment de sa dignité et de ses devoirs. Malheureusement, à cette époque, l'immense majorité des hommes de couleur ne possédaient ni l'une ni l'autre de ces deux qualités. Enfin, pendant la nuit du 24 au 25 Floréal, le général Richepense ouvrit la tranchée devant le fort Saint-Charles et le siège commença sérieusement. Il ne devait pas durer longtemps.